Cupidon fait encore des siennes. Après la pause, ils redescendent dans la cave et le chef fait monter Jean-Pierre et Stéphane sur l'estrade pour un petit bœuf. Ils jouent trois morceaux, dûment applaudis. Faustine est fière de son frère. À 15 ans, il excelle à la clarinette. Il est vrai qu'il a commencé à 11 ans, énormément travaillé depuis, se préparant un brillant avenir. Bien sûr, maman n'aime pas trop qu'il altère son jeu avec le jazz, cette musique de nègre qui a la réputation de donner de mauvaises habitudes aux musiciens classiques. Mais elle n'a pas le cœur de l'empêcher de s'éclater un peu entre deux concours, pour autant que ce ne soit pas trop fréquent. À 2 heures du matin, en sortant du pied bleu, Faustine ne remarque même pas qu'il s'est mis à pleuvoir, tant elle demeure sous le charme de cette musique si vivante. Le temps d'une soirée, elle a été transportée à l'époque de la case de l'oncle Tom. Surtout, elle s'interroge en boucle sur la signification de ce regard troublant. Est-ce que c'est ça, ce fameux coup de foudre dont parlent les romans ? Bizarre. Elle n'a pas ressenti grand-chose de son côté, si ce n'est le sentiment que doit éprouver tout pêcheur à la ligne quand il fait la prise du siècle. Faustine est avant tout très flattée d'avoir suscité autant d'attention. Certes, le chef d'orchestre n'est plus tout jeune, il lui manque quelques cheveux, mais ses légers désavantages sont balayés aussitôt par son extraordinaire charisme. Comme il sait bien émouvoir avec son biniou, le bougre. Faustine se promet de mener sa petite enquête afin de confirmer ses impressions pas plus tard que la semaine prochaine. Tout à l'heure, l'homme dont elle ne connaît toujours pas le nom, elle a oublié de demander à Steph, lui a serré la main alors qu'elle s'en allait et murmuré « À bientôt ?» avec un point d'interrogation. Elle a hoché la tête sans répondre, se sentant rougir dans le noir. Sur le chemin du parking, Jean-Pierre lui apprend que le club est ouvert tous les vendredis et samedis soirs. Quelle chance! Elle ne s'ennuiera plus jamais en fin de semaine, sans compter tous les nouveaux amis qu'elle va pouvoir se faire. Que la vie est belle! Lundi matin, à l'atelier, Faustine, contrairement à son habitude, ne commente pas son week-end. Cette discrétion étonne bien un peu maman, mais comme elle a d'autres chats à fouetter, en l'occurrence ses vacances à préparer, elle n'insiste pas. Les toutes dernières livraisons ont été faites, il ne reste plus qu'à ranger et préparer la rentrée. La semaine passera vite. Le 17 décembre, on ferme la boutique. Vendredi matin, depuis le parking, Faustine salue les siens qui la quittent sans aucun remords. L'espace d'un instant, elle se dit que ça aurait été chouette de passer les fêtes chez son père. Mais ça ne dure pas. La curiosité l'emporte. Le mystérieux coup de foudre du pied bleu la captive autrement, reléguant au second plan la veillée de Noël en solitaire. Ce soir, elle ne songe qu'à se préparer pour rejoindre le club à 22 heures. Voilà qui lui laisse le temps de changer 4 fois de tenue et de se maquiller soigneusement. Quand elle se décide enfin à prendre la route dans sa petite robe en lainage marron, style années 30, la pièce semble avoir subi un raz-de-marée. Elle rangera demain et dînera un autre jour. D'ailleurs, qui a faim à 20 ans, avant d'aller à la rencontre? De quoi, au fait? La nuit du 17 au 18 décembre 1976, Faustine peut vous dire qu'il pleut des cordes. Elle a roulé très lentement. Elle déteste, déjà, conduire sous la pluie, dans le noir, et être éblouie par les phares des autres. Enfin, elle a trouvé le parking. Elle s'est garée facilement, mais aboutir au pied bleu depuis là a été une autre épreuve. Ayant complètement oublié le chemin suivi la première fois, elle bavardait avec Steph pendant que Jean-Pierre faisait le guide. Elle s'est perdue pendant une bonne heure dans les ruelles tortueuses. Elle est finalement tombée, presque par hasard, sur l'enseigne recherchée. Dégoulinante, Faustine est accueillie chaleureusement par 2 jeunes femmes blondes aussi adorables que serviables. En guise de bienvenue, elles lui font signer une carte de membre, prennent son adresse et lui proposent de s'inscrire pour la soirée du réveillon, le 31, ce que Faustine accepte sans hésiter. Toujours un soir d'occupée. Comme elle est en fond, elle verse sa cotisation annuelle en même temps que le montant de son inscription. Faustine se renseigne également sur le fonctionnement du club, ses jours d'ouverture et de vacances. On lui répond avec enthousiasme. Mais quand elle ouvre la bouche pour s'enquérir de la disponibilité conjugale du chef d'orchestre, de nouveaux arrivants très bruyants font irruption, détournant l'attention des hôtesses. Sans demander son reste, Faustine descend les marches qui conduisent vers l'orchestre, d'où montent des rythmes prometteurs. Comme l'autre samedi, elle s'assied à côté d'autres auditeurs sur un banc latéral dont elle peut voir l'ensemble de la formation. Elle se concentre sur la musique, battant la mesure avec entrain. Le chef l'a immédiatement reconnue, la saluant du bout de sa clarinette. Faustine est toute oreille. Les sons s'entremêlent, les instruments se répondent, se jouent des tours, les mélodies se chevauchent, parfois trois notes clandestines s'immiscent, taquinent dans une harmonie ainsi renouvelée. Tous les musiciens rient alors, complices. Comme l'autre fois, la pause vient beaucoup trop vite, et les clients montent goûter la sangria maison, faite avec amour et beaucoup de rhum, qui les attend. Discrètement accoudé au bar, sirotant son verre, excellent au demeurant, Faustine écoute les musicos, ceux qui ne sont pas sortis fumés, parler entre eux. Le chef lui fait face. Il raconte à un comparse son voyage de la semaine dernière en Bavière. Il a eu l'occasion d'y jouer dans une cave renommée avec un orchestre vraiment sympa, de très bon niveau. Faustine aimerait bien participer à la conversation, poser des questions, mais elle est prise en otage par le jeune homme devenu intarissable qui était assis à côté d'elle en bas. Il lui offre un second verre et ne la lâche plus de la soirée. Manifestement, ce n'est pas le moment de découvrir si ce qu'elle a vécu la semaine dernière était réellement un coup de foudre ou pas. 2 heures plus tard, la soirée se termine. Comme l'autre fois, le boss est à la porte, saluant et remerciant chaque convive, tel un pasteur ses ouailles. Faustine s'arrange pour sortir en dernier. Lorsque son tour arrive de passer devant le chef, elle se lance, le regardant droit dans les yeux. « Qu'est-ce que vous faites après ? On peut aller boire un verre, discuter un peu ? Vous devez rentrer tout de suite ? Effectivement, mademoiselle, je dois rentrer. » Il ne la regarde pas, trop occupé à fixer un point au-delà de son épaule, comme s'il craignait un danger. Faustine rétorque, déçue. « Tant pis alors, au revoir. » « Par contre, demain soir, oui, » dit-il en chuchotant. Aussitôt, Faustine s'illumine. « Ok, à demain alors, bonne nuit. » Et la jeune femme de s'enfoncer dans la nuit avec un drôle de pincement au creux de l'estomac.